Je viens de l'étable de m'y promener. J'ai vu un miracle ce soir arriver. Qu'as-tu vu, bergère? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu, bergère? Qu'as-tu vu? J'ai vu dans la crèche un petit enfant sur la paille fraîche, mis bien tendrement. Rien de plus, bergère, rien de plus. Rien de plus, bergère, rien de plus. Sainte Marie, sa mère, sous un noble toit. Saint Joseph, son père, qui tremble de froid. Rien de plus, bergère, rien de plus. Rien de plus, bergère, rien de plus. Y a le bœuf et l'âne qui sont par devant, avec leur haleine réchauffant l'enfant. Rien de plus, bergère, rien de plus. Rien de plus, bergère, rien de plus. Y a trois petits anges descendus du ciel, chantant.